Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en cette belle journée l'évangile de Jean, et nous sommes au chapitre 2. Nous allons parler de ce texte qui est bien connu, les noces de Cana. Nous allons commencer par le lire, ensuite on va prier et le méditer. Chapitre 2, verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, lui dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Notre bon Père du ciel, instruis-nous sur ce texte. Qu'est-ce que tu veux nous montrer en ce qui concerne Jésus? Comment ce texte peut-il nous aider à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous avons la vie en lui? Dirige-nous par ton Esprit Saint. Amen. Si vous êtes comme moi, né au Québec, ce texte est souvent utilisé par un mouvement catholique qui dit que, voyez, on peut prier Marie parce que Marie a beaucoup d'influence sur la personne de Jésus. Je ne crois pas que Jean a écrit ce texte pour nous pousser à prier Marie ou à croire que Marie était spéciale en ce qui concerne Jésus ou la prière. D'autres parmi les croyants, j'ai souvent entendu utiliser ce texte pour justifier qu'ils pouvaient boire du vin. Parce que Jésus en avait fait aux noces de Cana, donc c'est sûr qu'on peut boire du vin. Mais je ne crois pas que non plus que Jésus a fait ce miracle pour nous confirmer, pour nous rassurer dans notre plaisir de boire du vin. Et je ne crois pas non plus que Jean a raconté l'histoire. Parce qu'il y a plein de choses que Jean aurait pu dire pendant ces 3 ans-là. Qu'a vécu avec Jésus. Mais il nous rapporte certains événements, certaines paroles de Jésus, certains gestes de Jésus, pour qu'on puisse croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Donc Jésus était en Jérusalem, on l'a vu hier, lorsqu'il a rencontré ses premiers disciples, et on a vu ensemble qu'il a reçu des titres très grand, très spécial. Tu es l'agneau de Dieu, tu es le Seigneur, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit, tu es le Messie, tu es celui dont Moïse a parlé, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. Tous ces titres nous montrent qui il est. Mais ici, pourquoi est-ce que Jean nous raconte cette histoire-là? 3 jours après, et si vous connaissez un peu la géographie qu'il y a en Israël, ça prend à peu près 3 jours de partir de Jérusalem et monter en Galilée à pied. Il y avait des noces en Galilée. Et pendant les noces qui étaient là, Marie était invitée à ces noces-là. On n'a pas dans le texte toutes les raisons pourquoi elle était invitée. On présuppose que c'était de la famille, de la parenté. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Donc on invite. C'est une grande journée sociale de réjouissance autour des mariés. Mais quelque chose de très, très désagréable qui arrive pendant une noce, pendant un temps de réjouissance, c'est qu'il manque de vin. Donc Marie va voir Jésus et demande à Jésus de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle va lui demander? Qu'est-ce qu'elle espère qu'il fasse? On n'a pas vraiment d'idée clairement dans le texte du moins. Qu'est-ce qu'elle veut qu'elle fasse? Est-ce qu'elle veut que Jésus parte avec ses disciples chercher du vin quelque part? Est-ce qu'elle lui demande de faire des miracles? Il n'en a jamais fait encore. Est-ce qu'elle lui demande d'intervenir parce qu'elle se rappelle qu'est-ce que Gabriel lui a dit? On peut faire un paquet de suppositions, mais le texte ne nous en parle pas. Et s'il ne nous en parle pas, c'est parce que ce n'est pas nécessaire qu'on sache toutes ces données pour comprendre ce que l'auteur voulait nous dire. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Donc, il dit que ce n'est pas le moment, mais finalement, il décide d'intervenir. Il décide de prendre l'occasion pour nous révéler sa personne. Son but premier, ce n'est pas, « Bon, ben, je vais les délivrer de leurs petits problèmes de la vie. Je vais les aider à ne pas avoir honte parce qu'ils ont manqué de vin. Je ne veux pas qu'ils passent pour des cheap. » Donc je vais... Non, il va se servir de l'occasion pour nous montrer qui il est. C'est ça qui va frapper Jean. C'est ça, cet événement-là va aider Jean à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'il est un être plus qu'un homme, plus qu'un Messie terrestre, descendant de David. Donc, au verset 6, Jésus dit aux serviteurs, vous voyez les pierres, les jarres qu'il y a là, ou les vases de pierre qu'il y a là, remplissez-les d'eau. Et le texte prend le temps de nous dire que les serviteurs, au verset 7, vont remplir jusqu'au bord les vases. Je ne sais pas s'ils font ça exprès pour... nous rappelle cet événement pour dire qu'il ne peut pas rajouter quelque chose dedans. C'est rempli. On ne peut pas remplir, remettre quelque chose dedans pour essayer de faire un mélange quelconque. Non, ils sont remplis d'eau et il y a juste de l'eau dans les vases. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apporta. Donc, il me semble que les serviteurs, quand Jésus leur a dit, allez puiser maintenant dans les vases de pierre et emmenez cela à l'ordonnateur. Maintenant, il me semble dans leur figure, ils ont dit, mais tu veux qu'on amène de l'eau? Tu veux qu'on serve de l'eau? Parce qu'en puisant, ils ont dû voir que l'eau avait changé de couleur. L'ordonnateur reçoit le vin, et il le goûte, parce que c'est sa job de goûter le vin avant de le servir aux invités et aux maîtres de la maison. Et il trouve que c'est le meilleur vin de la journée. C'est le meilleur vin. Et il va faire la déclaration qui était commune à ce moment-là. D'habituellement, on sert les bons vins en commençant, et plus la fête avance, plus les gens sont avancés dans la fête, ben moins en moins qui vont faire la différence entre le vin d'une très grande qualité et de moindre qualité, et encore moins de qualité vers la fin de la journée. C'est ce qu'il dit au verset 10. On sert le vin de moindre qualité quand les gens sont un peu enivrés. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, l'ordonnateur du repas, lui, n'a aucune idée d'où vient le vin. Les serviteurs, eux, le savent. Les disciples, eux, le savent. Parce qu'ils sont là avec Jésus. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils savent qu'est-ce que Jésus a fait. Ils savent ce que Jésus a donné comme ordre aux serviteurs, remplissez ces genres d'eau. Alors, c'est marqué au verset 11, Et tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous vous souvenez que dans chapitre 1, Jean-Baptiste avait dit « Je suis venu afin que Jésus soit manifesté. Je suis venu afin qu'on comprenne qui est cet homme qui vit parmi nous depuis 30 ans, mais qu'on n'a pas vu la différence entre lui et nous. Mais je suis venu afin qu'on voit qui il est vraiment. » Et Jésus ici veut que les gens qui sont autour de lui, ses disciples premièrement, sa mère, les gens, les serviteurs, ceux qui sont là, qui ont vu l'événement, il veut manifester sa gloire, il veut montrer qui il est. Oh, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est le but de la Bible. Le but de la Bible, le but de toute la création, le but de toute l'histoire de l'humanité, le but de nouveau ciel et de la nouvelle terre, c'est que Dieu soit manifesté, c'est que Jésus soit manifesté, qu'on voit qui ils sont. J'ai bien beau boire le meilleur vin du monde et d'être très content, mais si je ne vois pas la gloire de Jésus, mais je ne vais pas croire en lui. Qu'est-ce qu'il a montré? Quelle gloire a-t-il montré? Parce qu'il n'est pas devenu tout d'un coup brillant. Il n'est pas apparu une auréole alentour de la tête. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il manifesta qui il est. Sa gloire, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait, son prestige, je pourrais dire. C'est ses attributs, c'est ses qualités, c'est sa nature, c'est ce qu'il est qui fait sa gloire. Qu'est-ce qu'il a montré, là? Qu'est-ce qu'il a manifesté devant ses disciples? Il a manifesté un autre attribut qui est divin et uniquement divin. Hier, on avait vu qu'il avait manifesté son omniscience en disant à Pierre, « Tu t'appelles Simon maintenant, mais tu seras appelé Pierre dans l'avenir. Parce que je sais... Qu'est-ce que tu vas faire? Change ton nom en accord avec ce qui va t'arriver. » Il sait ce qui va arriver à Pierre. On a vu qu'il a manifesté son omniscience en disant à Nathanaël, « Voici un Juif en qui il n'y a point de fraude. Je connais ton cœur. » C'est pour ça que Nathanaël dit, « D'où me connais-tu? » Comment peux-tu savoir ce qu'il y a dedans de moi? Je ne te connais pas, tu m'as jamais rencontré. Je connais tous les cœurs. Je connais tous les êtres humains par cœur. Et on a vu hier qu'il avait manifesté son omniprésence. Il a dit à Nathanaël, « Avant que Philippe arrive et te trouve sous le figuier, moi, je t'ai vu. J'étais déjà là. Même si j'étais encore ici avec mes disciples, j'étais déjà là et j'étais vu sous le figuier. Je suis omniprésent. » Et on a vu que Nathanaël avait dit, « Tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu. » Et ici, il manifeste son omnipotence. Ça veut dire la capacité de faire, de créer. L'omnipotence, c'est de faire des choses, de faire apparaître des choses, de créer à partir de rien. Il a pris de l'eau, et vous pouvez passer bien des années, vous pouvez mettre de l'eau dans des barils de chêne pendant 40 ans, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir de l'eau corrompue. Vous n'avez pas de vin. Jésus a créé du vin. Il a créé des choses à partir de rien. Bon, à partir de l'eau, mais il n'a pas pu transformer l'eau. Il a ajouté les éléments à l'eau qui étaient nécessaires pour faire du vin. Il a créé du vin. Et pour créer, il faut être omnipotent. Et c'est ce qui a frappé l'apôtre Jean. Comment a-t-il pu prendre de l'eau et faire du vin instantanément? ça que je suis quelqu'un qui croit à la création. Parce que créer, ça veut dire que je fais des choses qui sont humainement impossibles. Je peux faire des choses à partir de rien. Parce qu'avec de l'eau, il manque des éléments pour faire du vin. Si je veux transformer, il faut que j'ajoute des éléments qui ne sont pas là. Vous ajoutez la levure, le sucre, les fruits. Jean va se poser la question pendant 3 ans. Il a créé des choses pendant que j'étais avec lui pendant 3 ans. C'est pour ça qu'il a déclaré dans le chapitre 1. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jésus a le pouvoir de créer. Donc, il est Dieu. C'est le but de cette histoire. Les disciples crurent, quoi? Que Jésus était plus qu'un être humain. Il était plus qu'un Messie qui descendait de David. Il y avait quelque chose dans cet homme qui était plus que l'humain. Parce que l'humain est... C'est impossible qu'un être humain, instantanément, prenne de l'eau et fasse du vin avec. C'est plus que juste un miracle que l'apôtre Paul pouvait faire. C'est plus. Puis même quand l'apôtre Paul fait un miracle, il va déclarer lui-même, ce n'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est l'Esprit de Dieu qui était en moi, ou c'est au nom de Jésus qu'on a fait un miracle, donc c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est Jésus qui a fait le miracle à travers moi. Mais ici, c'est Jésus qui fait le miracle, sans interpeller le Père, sans demander au Père de faire de quoi, il le fait de sa propre puissance. Il est omnipotent. S'il est omnipotent, il est Dieu. Donc, c'est ces accumulations-là de vérité qu'il va voir pendant ces 3 années-là qui vont amener Jean à dire « Il est le Christ, le Fils de Dieu. » Et j'espère que chacun de nous, en écoutant, en étudiant, en méditant, nous allons avoir des arguments, des vérités qui vont nous amener à pouvoir prouver à nos propres cœurs, premièrement, et à nos enfants, à nos épouses, à nos amis, ils ont prouvé que Jésus était plus qu'un être humain. Il est plus qu'un être historique. Il est un être historique, mais un être divin. Et à cause qu'il est un être divin, si je crois en lui, il peut m'accorder la vie. On va voir ça en s'en allant. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de cette histoire que Jean nous raconte. Qui nous manifeste la gloire de Jésus. Que Jésus était capable instantanément de créer quelque chose. De sa propre puissance, de sa propre capacité, sans invoquer qui que ce soit, sans demander à l'aide de qui que ce soit, il a créé du vin. Merci Seigneur, de nous convaincre par cette vérité que Jésus était aussi Dieu. Nous, comme les disciples, nous croyons en lui. Amen.